Le Salon Noir. Qu'est-ce que l'archéologie si ce n'est Rome, l'Égypte, la Grèce ? Rome, mais surtout la Grèce à qui nous devons tout et qui s'immisce jusque dans l'architecture monumentale de nos grandes villes. Certes, le passé de la Grèce est nôtre. D'ailleurs, l'archéologie en Grèce a toujours été privilégiée à notre propre archéologie métropolitaine. Pour preuve, l'école française d'Athènes fut créée en 1846 afin d'exhumer l'hellénisme. Le grand institut de recherche fouillant notre territoire national, l'INRAP, 155 ans plus tard, en 2001. Aujourd'hui, au travers d'une grande exposition, le musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye retrace les origines de cette Grèce devenue mythique. Pour en parler, Pascal Darc, Anaïs Boucher, bonjour. Bonjour. Bonjour. Ancien secrétaire général de l'école française d'Athènes, directeur de recherche au CNRS Pascal Darc, vous êtes le fouilleur du site de Dikylitache, près de la ville antique de Philippe en Macédoine orientale. Nous en reparlerons. Conservatrice du patrimoine, Anaïs Boucher, vous êtes en charge de la conservation et de l'étude des collections grecques, chypriotes et italiques du département d'archéologie comparée au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Pascal Darc, pourquoi la France, mais aussi l'Europe occidentale, toute versée dans la révolution industrielle, le charbon et la modernité, se tourne-t-elle vers le passé enfoui de la Grèce continentale ou insulaire ? Cyniquement, je dirais pour des raisons politiques. Parce qu'un certain nombre de ces grandes nations, en particulier la France et l'Angleterre, ont participé à la guerre d'indépendance grecque et ont aidé la Grèce à conquérir cette indépendance face à l'Empire ottoman. Et ensuite, certaines de ces nations, et la France en tout premier lieu, dès 1846, certaines de ces nations ont voulu exercer leur influence politique à travers la culture et l'archéologie. Et c'est ce qu'a fait la France. Anaïs Boucher, une autre idée peut-être ? Nous sommes sur la naissance de l'archéologie. Oui, et puis je pense que pour tous les étudiants, les élèves français qui avaient fait leurs humanités, c'était beaucoup plus peut-être tentant. Ça faisait déjà beaucoup plus rêver de s'intéresser à la Grèce, d'aller explorer les ruines grecques que les ruines qui pouvaient exister en France et qui étaient beaucoup moins connues. Et oui, nous sommes en Grèce sur une architecture quand même monumentale, Pascal Darc. Absolument. Les premiers voyageurs qui ont parcouru la Grèce se sont d'abord intéressés aux ruines les plus visibles, celles du Parthénon naturellement, et des autres temples grecs remarquables. Et les Français ont fait de même. En tout cas, dès son indépendance du joug ottoman, la Grèce tente de protéger son passé. Comme dans de nombreux pays, l'archéologie sera un outil, un véritable outil identitaire. Absolument. Et cela a concerné à chaque fois la progression des frontières de l'État grec, parce que vous souvenez peut-être qu'au départ, la Grèce en tant qu'État est limitée à la partie sud du pays et qu'elle s'est étendue progressivement, en particulier à la Thessalie, puis au nord avec les régions de la Macédoine et de la Thrace. Et aussi, il faut se souvenir que la Crète n'est devenue indépendante, autonome, disons, en 1900 et qu'elle a été rattachée seulement un peu plus tard à l'État grec. Et parallèlement à ce mouvement de conquête politique, je dirais, il y a un véritable mouvement de recherche sur le passé, et soit sur le passé relativement récent, classique, des époques classiques hellénistiques, ou sur le passé ancien, qui est notre sujet aujourd'hui. Donc la Grèce antique n'est pas la Grèce d'aujourd'hui, au niveau territorial. Au niveau territorial, non, pas du tout. Elle dépasse nettement ce territoire. Alors justement, cela continue, pourrait-on dire, à en voir la création d'un nouvel État indépendant, la Macédoine, on devrait dire l'ex-République yougoslave de Macédoine et son fameux drapeau arborant le soleil de Vergina, symbole de Philippe II de Macédoine, sujet très fort, très chaud entre la Grèce et la Macédoine. Toujours brûlant. Comme on le voit avec l'actualité récente concernant les fouilles d'Amphipolis et les fouilles de cette tombe tout à fait extraordinaire, on voit que l'intérêt du public en Grèce est très aiguisé. Les réactions politiques, même à cette découverte, sont vives. Et on voit même que le retentissement à l'extérieur des frontières de la Grèce de cette découverte est tout à fait hors norme. Et je pense qu'il a affaire à la fois avec la situation actuelle de la Grèce et avec le rapport de la Grèce avec ses voisins immédiats. Alors, dites-nous en plus un peu sur cette extraordinaire tombe. Ce n'est pas tout à fait notre sujet, mais ça reste notre sujet. Je crois même en plein. C'est une découverte toute récente. Absolument. Et on suit les fouilles quasi au jour le jour. Oui, en effet, il y a même des sites internet qui ont été montés spécialement pour l'occasion pour retracer les progrès des fouilles au jour le jour. On montre des photographies de fragments qui seraient tout à fait négligés par ailleurs, comme des fragments de portes en marbre, bon, qui sont certes importants. Donc c'est une jusqu'à présent, ce qu'on en connaît, c'est un péribole en pierre monumentale qui fait 500 mètres de circonférence. Donc c'est vraiment énorme. Des statues, d'une part des sphinx à l'entrée, puis des cariatides monumentales qui font 2,25 m de haut, et une superbe mosaïque montre l'enlèvement de Perséphone par Hadès, donc est un thème funéraire. Mais on ignore totalement le propriétaire de la tombe. Oui, mais malgré tout, on serait proche de quelque chose, ou du moins à l'échelle de la chronologie, proche d'une tombe proche d'Alexandre ou de Philippe II de Macédoine. Oui, on est très probablement dans une construction qui a été faite au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui a peut-être été remaniée à un moment donné, peut-être à l'époque romaine, mais ça, c'est très discutable encore. Et bon, c'est très clair. Ce qu'on pourrait ajouter, puisqu'on évoque cette découverte spectaculaire et l'intérêt du public pour cette découverte, on est tout à fait dans la lignée de ce qu'on raconte dans l'exposition. Les découvertes de Schliemann à Troyes et à Mycène, ou celles d'Ivens à Knossos, ont provoqué exactement le même intérêt d'un public relativement large et en France d'un public cultivé. Mais c'est exactement les mêmes ressorts. Alors, puisque je suis aussi forcément intrigué, qu'est-ce que l'on devrait trouver tout au fond de cette tombe ? Si elle n'a pas été pillée, ce qui n'est pas certain du tout à l'heure actuelle, on devrait trouver, on espère trouver la même chose que ce qu'on a trouvé à Vergina, c'est-à-dire des coffres en métal précieux, des objets de parure en métal précieux, des lits en ivoire, des choses comme ça. Voilà. Anaïs Boucher, vous avez suivi cette découverte tout à fait extraordinaire. Pour l'instant, hein, si il n'y a rien dedans, on sera tous extrêmement déçus. Et vous, la première, puisque vous intéressez forcément à ces beaux objets dans votre musée. Tout à fait. Et c'est la médiatisation aussi, effectivement, de cette découverte qui m'a particulièrement intriguée. Et le fait que là, parce qu'on marche finalement dans les pas d'Alexandre, on retrouvait le même effet que pour les découvertes de Schliemann ou d'Evans qui marchaient dans les pas d'Homère. Forcément, quand on parle d'un grand homme comme la légende d'Alexandre, l'intérêt du public est suscité et on voit qu'on a justement des images vraiment très variées qui circulent et des personnes qui ne s'intéressaient pas forcément à l'archéologie grecque qui d'un coup suivent ce feuilleton passionnant au jour le jour. Donc c'est un peu comme si c'était un revival du 19e siècle. Je vais vous embêter, Pascal Darc, puisque vous êtes en face de moi. Il y en a un autre sujet extrêmement chaud, c'est la tombe d'Alexandre. Pour les Grecs, c'est totalement identitaire. Oui. Combien de fois on nous dit, les grandes agences de presse nous disent qu'on a probablement trouvé une tombe d'un Alexandre ? Oui. C'est plutôt Alexandrie, ça. Oui, mais, oui, oui même. Mais parce que, bon, on pense quand même que cette découverte sera difficile à réaliser dans les conditions actuelles et beaucoup de gens doutent qu'on la trouve jamais. Donc ça, c'est une question qui est... De journaliste. Oui, qui est mineure, disons, pour l'instant. En tout cas, Anaïs Boucher, à partir de 1870, nous voici devant la fin de la collectionnite, bien sûr, entre guillemets, les Cycladica, ces extraordinaires petites figures qui étaient jugées à l'époque très laides des barbares, que vous exposez, et Dieu sait s'il y en a peu en France. Oui, oui, donc ces figurines grossières, ces Vénus barbares, ont commencé donc à être collectionnées, à rentrer dans les collections du musée. Et elles n'ont été véritablement étudiées qu'à partir des années 1880, à partir de la création d'un service vraiment archéologique, une euphorie des Cyclades, donc notamment dirigée par Christos Tsountas. Et dans nos musées, c'est vrai que la plupart des objets ne viennent pas de fouilles systématiques, en tout cas les objets qui viennent des Cyclades. Alors il y a deux parties, il y a des objets qui sont arrivés, les premiers Cycladica, qui sont arrivés effectivement comme au musée d'Amiens, au musée de Picardie, on a une collection qui est entrée par Théodore de Lagrenée, qui est un diplomate français à Athènes, un ministre plénipotentiaire, et sans doute qu'il a reçu ces objets en cadeau et qu'il les a ensuite donnés à la ville d'Amiens. Mais là, c'était des objets qui étaient regardés parce qu'ils étaient bizarres, ils étaient étranges, et on avait envie de les collectionner pour cela. Il a fallu attendre quelques temps, quasiment là entre 40 ans, pour qu'on ait des fouilles qui soient réalisées. Et c'est le cas, par exemple, de certains objets qui sont maintenant au Louvre, qui proviennent de fouilles plus systématiques. Et là, on a pu savoir que ces objets venaient de tombes. Alors, à vous écouter, j'ai aussi l'impression qu'il y a de très, très nombreux objets grecs anciens, hein, de l'âge du bronze, par exemple, qui sont dans les musées de villes ou musées de régions françaises. Il n'y a pas tout au Louvre, hein, curieusement. Absolument pas. Et c'était le but de l'exposition, c'était de pouvoir montrer les trésors, mais qui se cachent comme ça dans certains musées qui n'ont pas forcément des collections grecques gigantesques, mais qui sont particulièrement précieux. Je pense à un exemple très particulier. C'est une bague en or de Mycène, la bague dite d'Anicourt, qui se trouve au musée d'Anicourt de Péronne et qui est absolument exceptionnelle. C'est un objet unique. Tout en or, très belle, en or massif. Voilà, et avec donc deux guerriers qui combattent des lions, donc et une bague qui a aussi une histoire mystérieuse puisqu'on ne sait pas exactement où elle a été découverte et comment finalement elle est arrivée ensuite en Picardie elle aussi. Le volcan de Santorin est toujours très actif et fort surveillé par les vulcanologues. C'est là qu'une des découvertes majeures a été faite par un géologue français. Absolument, Pascal Barthes. Nous évoquons dans l'exposition des personnalités tout à fait flamboyantes et on va en reparler dans un instant comme celle d'Ivans ou de Schliemann. Mais il y a une personnalité qui est plus discrète et qui n'est pas moins importante, en tout cas sur le plan scientifique, c'est celle de Ferdinand Fouquet, donc ce géologue qui a étudié les phénomènes volcaniques toute sa vie et qui est venu sur l'archipel de Santorin en 1866 pour étudier une éruption qui était en train de se produire et qui, dès 1867, dès la première fouille, a compris que des habitations avaient été enfouies sous une éruption volcanique. Et non seulement il a compris ce phénomène, il l'a analysé et il a même fixé la date de cette grande éruption vers 2000 avant Jésus-Christ, ce qui est tout à fait étonnant avec les moyens dont il disposait à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on discute pour savoir si c'est aux alentours de 1600 ou 1550. Donc, il ne s'était pas trompé. Donc, c'est un grand personnage. Et il y a un autre géologue qui, quelques années après, en 1870, a poursuivi les recherches de Ferdinand Fouquet. C'est Claude-Henri Gorset, accompagné d'un autre membre de l'École française d'Athènes, Mamet, et ils ont fouillé sur ce qui deviendra le site d'Akrotiri, ce qui est connu maintenant comme le site d'Akrotiri, à quelques mètres d'une habitation qui était décorée de fresques. Mais ils sont pas tombés sur cette maison-là. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Santorin est à la Grèce ce que Pompéi est à la Rome. Cette découverte sous les cendres a-t-elle contribué à la renaissance du passé grec ? Pas du tout. C'est bien là une déception considérable a posteriori, sans doute pour les Français, puisque ce sont des Français qui avaient fait cette découverte. Et cela s'explique assez facilement parce que ces fouilles ont été faites en grande partie par des géologues. Les rapports ont été remis à l'Académie des sciences et non pas à l'Académie des inscriptions et belles lettres qui était la tutelle scientifique de l'École française d'Athènes. Et puis, il y a eu la guerre de 1870 qui est arrivée par là. L'intérêt essentiel ensuite des chercheurs français s'est tourné vers des sites classiques comme Délos, puis Delphes. On peut même penser d'ailleurs que votre sujet, le néolithique ou l'âge du bronze, ait souffert de la période classique du 5e siècle avant notre ère. Le poids de la période classique est omniprésent, non ? En effet. On peut penser que cela tient à la fois au poids et à l'espace qu'occupaient les grands sites classiques dont j'ai parlé il y a un instant. Cela tient aussi à la formation générale des archéologues qui fouillaient en Grèce jusqu'à présent, qui était une formation essentiellement classique et littéraire, il faut bien dire. En tout cas, les fouilles ont, semble-t-il, reprises en 1967. Où en sont-elles aujourd'hui ? Des très très belles découvertes, notamment les fameuses fresques des boxeurs d'Akrotiri, par absolument, exemple. Absolument, absolument. Donc dès 1967, les fouilles ont été reprises par un archéologue grec qui s'appelait Spyridon Marinatos, qui a fouillé sur le site jusqu'en 1974. Il est mort même sur place. Depuis, le dossier a été repris par Christos Doumas et son équipe. Et donc, on a fouillé, on estime à peu près un petit quart de ce site. Et on y a découvert des magnifiques édifices construits avec beaucoup de sophistication et décorés, surtout avec beaucoup de sophistication, avec des peintures murales extrêmement colorées. Donc là, c'était un des points qui a attiré l'attention. Et à l'heure actuelle, l'essentiel des activités de recherche récentes ont été occasionnées par la construction d'une nouvelle toiture de protection du site qui a conduit les archéologues à faire des sondages à l'emplacement des piliers soutenant cette toiture. Et ils ont pu reconstituer l'évolution du site depuis l'époque néolithique. De fait, cette reconnaissance du passé préhistorique de la Grèce se fera au travers d'Heinrich Schliemann, Anaïs Boucher ? Oui, on va dire que c'est lui qui a apporté vraiment une révolution dans cette connaissance du passé le plus ancien de la Grèce, parce que sans lui, et sans doute sans Homère, parce que c'est bien parce qu'il s'intéressait à Homère, qu'il était sur les traces d'Homère, que le grand public s'est intéressé à ces fouilles. Il va commencer par celle de Troie. C'est le premier, effectivement, qui décide non seulement de chercher le site, mais de creuser. La quête de Schliemann est tout droit sortie, bien sûr, du texte d'Homère. Reste à trouver les traces archéologiques écrites par ce texte. C'est ça, la problématique de Schliemann. Absolument. Lui, il fouille. On a l'habitude de dire qu'il fouille avec Homère dans une main et une pioche dans l'autre. Et il faut que ce qu'il trouve corresponde exactement au texte homérique. Alors, ce qui l'a conduit à certaines errances, naturellement. Mais je pense qu'il ne faut pas apprécier l'œuvre de Schliemann à l'aune de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais surtout l'apprécier en fonction de ce qui se faisait à cette époque. Et bon, lui-même a commis beaucoup d'erreurs. On dit même qu'il a, assemblé, par exemple, des objets qui n'allaient pas ensemble, le fameux trésor dit de Priam. Mais il a été capable de reconnaître ses erreurs. Il a été aussi capable de réviser un certain nombre de ses interprétations à l'aide de collaborateurs talentueux comme Dorfeld. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a beaucoup, beaucoup publié, écrit, communiqué sur ses découvertes. Et donc, il donnait à ses ennemis ou à ses détracteurs toutes les armes possibles et imaginables pour se faire contredire. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que nous évoquons en direct la Grèce des origines avec Pascal Darc, directeur de recherche au CNRS, et Anaïs Boucher, conservatrice au département d'archéologie comparée au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. L'Iliade et l'Odyssée est bien sûr le grand mythe fondateur, la première œuvre de la littérature occidentale rédigée par Homère à la fin du 8e siècle avant notre ère. Pourrait-il retracer un événement encore bien plus ancien, Pascal Darc? C'est possible. Disons que dans ce texte, les spécialistes reconnaissent de très nombreuses strates qui vont de la composition, qui partent, mettons, de la composition ou de la cristallisation d'un texte qui est une tradition orale, donc vers le 8e ou la fin du 9e siècle avant Jésus-Christ, et puis en remontant, il y a sans doute des dizaines de strates qui se sont superposées, qui se sont assemblées et qui ont été mises en forme par des aèdes, donc qui récitaient ces poèmes à leur public. Et ces strates peuvent sans doute remonter jusqu'au XVIIe ou XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, sans aucun doute. Donc un âge du bronze très ancien, déjà. Oui. Les gens qui récitaient ça n'avaient pas conscience. Ils avaient conscience d'évoquer un passé glorieux. Et il est certain que la cristallisation en un texte comme celui que l'on connaît aujourd'hui est due à cette nécessité pour les cités grecques d'avoir un passé glorieux, et que ce passé glorieux existe sous forme admise par tous. En tout cas, on ne peut pas faire de l'archéologie avec Homère dans la main, semble-t-il. C'est difficile. Beaucoup de gens le font encore, je dirais. Malheureusement, peut-être. Mais c'est une donnée historique. Des gens comme Schliemann, même Evans, est parti fouiller en Crète avec l'idée de fouiller l'une des plus grandes cités évoquées dans le texte homérique. Tout le monde était imprégné de ce texte, et beaucoup de gens le restent. C'est tout à fait normal, parce que c'est un texte d'une puissance évocatrice extraordinaire. Alors bien sûr, Schliemann, c'est le fameux trésor de Priam, le trésor de Priam qui a une histoire extraordinaire, puisqu'il est saisi sous les bombes en 1945 par l'armée rouge. Où est-il, ce fameux trésor, aujourd'hui, Anaïs Boucher? Alors après donc un mystère qui a entouré donc sa disparition, et il y a eu une redécouverte, donc on l'a retrouvé en Russie, donc il est aujourd'hui conservé au musée Pouchkine. Et au moment de sa redécouverte, donc il y a une équipe vraiment internationale qui a été mobilisée pour venir à nouveau réétudier ce trésor, mais pour l'instant il reste apparemment en Russie. Mieux que Schliemann, Arthur Evans, conservateur au Ashmolean Museum, bien sûr à Oxford, découvre quant à lui une véritable civilisation en Crète. Nous voici devant les Minoens. Oui, tout à fait. Evans est une personnalité très différente de celle de Schliemann. C'est quelqu'un qui avait une culture archéologique de par ses origines familiales, et puis par profession aussi, parce qu'il était conservateur à l'Ashmolean Museum d'Oxford. Et journaliste. Et journaliste, voilà. Donc c'était une personnalité très différente. Il avait enquêté en Crète longtemps avant même de commencer la fouille de Knossos, et nous évoquons dans l'exposition cette enquête à travers les sceaux qu'il avait collectionnés. Qui sont superbes d'ailleurs, des roches absolument. Qui sont extraordinaires. Des cornalines et des agates. Absolument, c'est très beau. Oui, ce sont des œuvres extrêmement intéressantes. Et lui s'intéressait, recherchait les documents qui avaient pu avoir été écrits par les Mycéniens, c'est-à-dire les gens dont Schliemann avait découvert les tombes à Mycène. Donc c'était ça qui motivait. Et puis, comme vous l'avez dit, il va découvrir bien autre chose donc un énorme édifice de presque... Un palais. Un palais qui fait plus de 12 000 mètres carrés, quelque chose d'énorme, avec beaucoup d'objets, des inscriptions sur des tablettes en trois écritures. Donc c'est une œuvre très abondante. Et il faut souligner que dès 1905, c'est-à-dire à peine 5 ans après le début de ses fouilles, il édifie la chronologie relative et absolue du monde égéen qui tient à peu près la route encore maintenant. Alors, bon, ça c'est le bilan positif. Alors le bilan très négatif, bien sûr, c'est, hormis les fouilles, Arthur Evans restaure et lui reconstitue le palais de Knossos et son imagination semble absolument sans limite. C'est d'ailleurs une sorte de famille, les Gillieron, Émile père et fils, qui restaurent à tout va et vont créer quelque chose d'absolument, on va dire, délirant. Oui, c'est sûr que Evans a quand même été entraîné, je pense aussi, par les Gillieron, parce qu'il a suivi les restitutions qu'ils ont fait de fresques, notamment. Donc, ça lui a donné des images sur lesquelles il a pu appuyer le récit qu'il construisait sur les Minoens. Parfois, il y a uniquement quelques fragments qui ont été conservés. C'est le cas des Dames en bleu, par exemple, de Knossos. Alors, ce que l'on connaît de l'art minoen, nous le devons quasi à la famille Gillieron. Pas seulement, mais ils ont... Tellement ça a été restauré ? Oui. Non. Ou trafiqué ? Disons, là aussi, il y a deux faces de la même monnaie. Ils ont beaucoup restauré, et souvent abusivement. Par ailleurs, ils ont beaucoup reproduit d'objets et fait circuler des reproductions en vendant les reproductions dans les musées occidentaux. Et cela a contribué à faire connaître à un public qui ne voyageait pas, parce que le tourisme n'existait pas à cette époque, cela a contribué à faire connaître ces découvertes tout à fait extraordinaires et nouvelles. Et puis à faire une sorte d'archéologie en couleur, puisque tout était peint. Tout était peint, tout à fait. Et c'est vrai que donc, les grands musées, que ce soit le Metropolitan Museum de New York, le Louvre ou bien le Musée d'archéologie nationale, ont tout de suite acquis ces reproductions pour les faire découvrir au plus large public à côté d'originaux. Et puis, je savais que, bien sûr, Paris était hellénistique, mais je me trompais. C'est une ville minoenne ? Alors, en deux mots ? Oui, à la belle époque, oui, c'est tout à fait une cité minoenne, puisqu'on a des décorateurs comme Léon Baxte pour les ballets russes, qui s'est rendu en Crète et qui dit qu'il a trouvé en Crète, justement, ces couleurs qui l'inspiraient tant et qui ont fondé l'art moderne. Celle, bien sûr, de Émile Gillieron. Anaïs Boucher, Pascal Darc, merci beaucoup. Je rappelle que votre exposition « La Grèce des origines, entre rêve et archéologie » se tient jusqu'en janvier au Musée d'Archéologie. Archéologie nationale, domaine national de Saint-Germain-en-Laye. Partenaire du Salon Noir, la revue Archéologia vient de faire paraître son numéro 526, notamment consacré à Rhodes et l'exposition complémentaire de la vôtre qui se tient actuellement au Louvre. Rhodes, une puissance en Méditerranée égalant Santorin. La revue se consacre aussi à notre archéologie nationale avec notamment la grotte Chauvet, vieille de 30 000 ans, mais aussi à l'arrivée des Romains en Auvergne. À lire donc dans la revue Archéologia, partenaire de notre émission. La semaine prochaine, place à l'iconoclasme, puisque Jean-Paul Demoule remettra en cause un véritable dogme, les Indo-Européens. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, attachée d'émission Catherine Denet.